4 à lui et sa compagne en a un. Donc elles ont acheté le mort. Bon, il y a plus de couleurs. C'est qui demandait si la maison pouvait loger deux adultes et 5 enfants. Je peux dire franchement, donc c'est un peu catégorisé. La porte ouverte, regarde à droite, tu vois le pas. Gracias. Thank you.